L'archipel gnostique. Un podcast autour de la gnose et des gnosticismes de toutes les traditions. Bonne écoute. Salut Jean-Christophe. Bonjour. Écoute Jean-Christophe, je te remercie d'avoir bien voulu répondre à cet entretien pour l'Archipel Gnostique, le podcast. Jean-Christophe, tu es catholique déjà, prêtre en plus. Prêtre. Donc, tu as eu un parcours monastique dans l'Église catholique romaine, et puis après, tu as été ordonné dans une Église catholique mais non romaine, un peu parallèle. Tout à fait. Alors, tu as écrit récemment un petit livre très chouette qui s'appelle Les fondements bibliques de la prière à Marie. Voilà, et c'est. Justement, bon, c'est une bonne excuse pour pouvoir t'interviewer. Et puis, c'est un thème très intéressant. Donc, du coup, voilà, je voulais voir avec toi si tu pouvais un petit peu nous en parler. Alors, thème très intéressant, surtout à l'approche des fêtes de Noël. Eh oui, on rentre dans l'avant, là. On C'est rentre dans ça? l'Avent, Ouais, on oui. rentre dans le temps de l'attente, le temps de la maternité de Marie. Ouais. Donc, oui, ce livre qui n'est pas encore sorti, mais qui Voilà, en cours sortira de bientôt, ou publication. bientôt. D'accord. Donc, Justement, début 2021, normalement, d'accord. Ah voilà. ouais, très chouette. Et ben justement, la maternité de la Vierge, eh bien, je voulais te proposer pour commencer cet entretien que tu essayes de nous expliquer la notion donc, de mère de Dieu. Théotokos, pourquoi l'Église parle de la Vierge Marie, enfin de Marie, comme de la Mère de Dieu? Qu'est-ce qu'on entend par là? Parce que parfois il peut y avoir un petit peu de confusion, chacun bon, a un petit peu son idée sur ce terme, mais qu'est-ce que Oui. toi tu entends par ce terme-là? Et puis aussi, qu'est-ce que l'Église catholique Alors, a comme enseignement à ce sujet-là? donc, le terme grec, donc Théotokos, mère de Dieu, il faut pas spécialement l'entendre par, ça y est, c'est une femme qui est devenue déesse. Loin de là, c'est une femme comme toutes les autres. Mais elle a été choisie dans le projet, dans le plan divin, par rapport à la rédemption de l'humanité, en fait, pour être celle qui allait porter son fils, le Verbe incarné. Et donc le terme même de Théotokos, c'est justement celle qui a porté en fait Dieu. Elle D'accord. est la mère, comme toutes les mamans du monde, mais elle est plus qu'une mère, c'est-à-dire qu'elle a porté en fait celui qui est l'origine du monde et de l'humanité. C'est ça en fait la Théotokos. D'accord. Oui, parce que Et si on se remémore un peu, bon, il y en a peut-être qui ne connaissent pas bien, mais la controverse qu'il y a eu sur ce terme, en fait, dans l'Église, à l'époque, ça remonte, je crois, je ne sais plus quel concile, mais c'est loin d'être récent. Il y avait aussi le terme de Christotokos qui avait été proposé, je crois, donc la mère du Christ, pour justement différencier avec voilà, de ce paradoxe d'imaginer que la Marie serait la mère de Dieu, le Père, comme dans une sorte de serpent qui se mord la queue un peu. Du coup, ouais, c'est comment différencier un peu les deux termes si le Christ est Dieu? Pourquoi avoir vraiment, on a l'impression que dans le terme théotokos, il y a quelque chose d'assumé, il y a quelque chose de puissant et d'assumé sur, oui, donc Christ est Dieu, donc on peut l'appeler la mère de Dieu. exactement, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport aux différentes polémiques donc du deuxième, troisième et quatrième siècle, où il y a eu pas mal de discussions et de divergences par rapport au fait, est-ce que le Christ était Dieu, ou est-ce que le Christ, finalement, il avait son enveloppe charnelle qui est le Christ, et puis à l'intérieur, il y avait en fait l'âme divine, et puis donc la chair du Christ est-elle chair humaine ou est-elle chair divine? En fait, on ne peut pas dissocier l'un et l'autre, c'est-à-dire que le Christ incarné en Marie, il est aussi bien vrai homme, vrai Dieu et vrai Dieu. Voilà. Et c'est là-dessus qu'on se base pour pouvoir dire que Marie, mère du Christ, elle est mère de Dieu. De Dieu, d'accord. Donc du coup, le terme est dépendant de la christologie dispensière. En fait. Tout à fait. Il est en adéquation avec cette christologie. Et d'ailleurs, aussi bien nous, catholiques, que nos frères orthodoxes, nous appelons Marie, Marie Mère de Dieu, Théotokos. C'est d'ailleurs un des points qui nous rassemble, je dirais. Très bien. C'est déjà énorme. Oui, oui. C'est pas rien. Pour revenir un petit peu à ton texte, les fondements bibliques de la prière à Marie, il y a un terme, tu l'introduis dans ton texte, qui revient. C'est le concept de type, oui. Type biblique. Et ça paraît essentiel pour comprendre tout ce que tu écris après ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un type biblique? Alors, sans trop dévoiler le livre. Oui, on ne va pas spoiler quoi. Et oui, parce que là-dessus. D'accord. Parce que là-dessus, le livre est basé là-dessus, mais ouais. Disons que, en fait. Dans l'écriture biblique, au niveau donc de ceux qui ont fait cette littérature, pour comprendre donc en fait tout cet enseignement, on utilise en fait des parallèles. Et donc ces preuves bibliques sont enseignées aussi bien donc en fait dans l'Ancien et le Nouveau Testament, et on a en fait ce qu'on appelle les types, ce sont ces ponts qui nous mènent en fait de l'Ancien au Nouveau Testament. Et un type, c'est un événement réel en fait, une personne, une institution dans l'Ancien Testament qui préfigurait un événement réel, mais d'une personne ou d'une institution appartenant au Nouveau Testament. D'accord. C'est-à-dire que la tradition biblique enseigne. C'est pas la même chose que la prophétie, on est d'accord? Non, pas du tout. Hein, ouais. Je vais donner un exemple. Par exemple, la tradition biblique enseigne qu'Adam, le premier homme, c'est-à-dire l'être du fondement de l'humanité, si on veut parler comme ça, pour ne pas être trop évangélique ou. Littéraliste, tu veux dire? Ou créationniste. Oui, oui, je pense. Donc, l'être du fondement de l'humanité, celui qui est né donc de la terre, l'Adama, comme nous le dit la traduction biblique. Hein, même d'ailleurs, Chouraki nous disait que dans sa traduction, il nous dit le glébeux. Il dit même pas Adam, il dit le glébeux. Donc, celui qui est né de la glaise, celui qui est en fait le fondement de l'humanité. Eh bien, en fait, Adam, eh bien, il est le type de Jésus qui est le nouvel Adam, celui qui va introduire l'humanité dans le ciel. D'accord. Voilà. Donc Jésus, coup, ouais. Jésus était donc vrai Dieu et vrai homme, et Adam n'était seulement qu'un homme, le premier des hommes, mais la Bible dit qu'Adam fut le type de celui qui allait devenir Jésus-Christ. Et ça, on le retrouve, par exemple, en Romains, chapitre 5, verset 14, hein, quand on dit « Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est l'image, le type de celui qui devait venir Jésus. » D'accord. Voilà. Donc oui, là, il y a vraiment la notion de préfiguration, en fait, hein. Exactement, exactement. Et on retrouve donc le même, c'est l'objet de ton livre, du coup, on retrouve cette même logique qui est une logique herméneutique, en fait, hein, si je comprends bien. D'ailleurs, une logique herméneutique d'écriture, donc par rapport donc, au fait de Marie, donc sa mère. On va retrouver différents types qui vont nous permettre de comprendre par rapport au plan et au projet de Dieu que Marie a été donc choisie et elle est celle qui va être cette interlocutrice, intermédiaire, qui va nous amener à son fils. Mmh. Voilà. D'accord. Donc, il y a la même logique concernant Marie. Ben, écoute, on va y venir. On est là pour ça. Les préfigurations de Marie dans l'Ancien Testament, en fait. C'est ça ton propos. Tout à fait. Voilà. Alors, j'ai lu un peu ton livre, quand même. heureusement. Alors, effectivement, il y a des termes qu'on rencontre souvent. Les épithètes à Marie qu'on retrouve dans les litanies à Marie, dans les hymnes acatistes, des choses comme ça. Notamment, le premier que j'ai noté, hein, il y en a plein, on ne va pas tous les détailler. Nouvelle Ève. Marie, Nouvelle Ève. Donc là, il y a une filiation entre Ève et Marie, finalement. Ben, comme Adam et le Christ. Voilà. Ah, donc, exactement. Adam-Christ, Ève. Ève. Première femme, celle qui est donc en fait Eva, qui veut dire donc la vivante, celle qui donne la vie, eh bien en fait préfigurait Marie, celle qui donc va donner la vie donc à la parole de Dieu. Mais alors, alors, quand je dis la parole, le verbe incarné. C'est-à-dire, ce n'est pas une parole comme là nous sommes en train de parler. La parole de Dieu, logos. C'est le logos. Le logos qui s'incarne, quoi. Voilà. Le verbe s'est fait chair. Oui, mais alors justement, une petite pensée que j'ai eue par rapport à ça, on est dans l'archipel gnostique, alors on va aller chercher un peu parfois dans les apocryphes. Il y a des côtés orthodoxes, on peut aussi dialoguer avec des choses qui le sont un peu moins. Si ça ne t'ennuie pas, bien sûr. Non. Le terme d'Ava, l'idée de la vivante, qui est que, du coup, Ava, elle est née d'un souffle de Dieu. C'est-à-dire que c'est le souffle qui pénètre Adam aussi. Tout à fait. Le ruach, en hébreu, qui est un mot féminin. Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre, justement, cet aspect féminin du souffle divin et la Vierge Marie. Donc, en l'occurrence, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre le Saint-Esprit et la Vierge Marie ? Est-ce que justement, cette notion de nouvelle Ève ne pourrait pas nous conduire sur cette piste-là ? À ton avis, qu'est-ce que toi, tu en penses ? Qu'est-ce qui peut... Là, en fait, il faut partir sur le fait que déjà partons avant d'accéder au Saint-Esprit, partons de Dieu le Père. Alors dans la pensée de tout chrétien ou voire même des croyants, de toute façon Jésus disait personne à part moi n'a vu le Père. Okay. Tout le monde s'imagine Dieu le Père, un vieux barbu là, un vieux bonhomme. Alors on dit un homme, Dieu, homme. Mais en fait, Dieu, il est l'essence même de la vie, mais en fait, est-ce qu'il est masculin ou féminin ? Dieu, il est les deux. Il est le yin et le yang, masculin, féminin. Il est, quand on parle même de la miséricorde de Dieu, le terme miséricorde, donc en fait, quand on le retraduit en araméen, ce sont bien les entrailles même de là où, en fin de compte, la femme porte la semence et cette semence qui devient en fait donc un enfant. Dieu a des entrailles de femme. Alors est-ce que ça changerait pas aussi le sens du coup du Ave Maria, Jésus le fruit de tes entrailles? On pourrait peut-être presque le traduire par le fruit de la miséricorde de Dieu, non? Eh bien oui, tout à fait. On peut aussi le dire comme ça. Voilà, exactement. Tout à fait. Et c'est ça qui est très beau finalement, parce que dans sa plus grande miséricorde, Dieu a permis que son fils s'incarne dans le sein d'une vierge. Et ouais. Alors, ça, C'est ça, en fait, le plus gros cadeau que Dieu a fait à l'humanité. Mais en tout cas, tu vois pas le lien entre le souffle et la Vierge. Personnellement, non, je ne vois pas spécialement ce lien, en fait, à part le fait que, en fait, c'est tout un ensemble. Parce que c'est le souffle divin, c'est le Saint-Esprit qui va aussi la couvrir de son ombre, comme dit d'ailleurs l'évangéliste Luc, hein, lorsqu'au moment où Marie dit son oui, lorsqu'elle accepte que cela se fasse selon ta parole, l'Esprit Saint la couvrit de son ombre. Et à ce moment-là, le Verbe de Dieu va s'incarner. Donc, oui et non. C'est-à-dire que tout est lié, l'Esprit Saint va faire que Jésus va prendre chair. Il est l'Esprit créateur. Le Verbe de Dieu, le souffle de Dieu qui crée à partir de rien, eh bien, va faire que dans le sein de la Vierge, le Fils va se former. D'accord. Mais il fallait avant qu'elle puisse dire « oui, je veux bien ». Sans ce « oui », rien n'aurait été. Et justement, la Vierge, on en vient, parce que ça reste un dogme qui est particulier aux chrétiens en général, particulièrement aux catholiques, aux orthodoxes, et je pense une partie majoritaire des protestants aussi, et puis des gnostiques. On retrouve, je crois, dans certains écrits gnostiques la virginité de Marie. Le rapport entre justement la notion d'immaculée conception, alors là, le fait qu'elle soit toujours vierge, est-ce que justement il n'y a pas un lien aussi avec la nouvelle Ève? Est-ce que ça fait partie, est-ce que cette virginité d'ailleurs, est-ce qu'elle est préfigurée dans l'Ancien Testament? Oui, tout à fait. Alors, parce que comme Ève, donc, est la première des pécheresses, celle qui a fait entrer l'humanité dans le péché. D'ailleurs, c'est bien Ève qui a fait entrer aussi Adam dans le péché. Donc, dans le projet divin, il fallait bien que, en pensant que il est une femme donc qui accepte donc que elle puisse porter donc le Verbe de Dieu, cette femme, elle a été préservée du péché d'origine. Alors tu emploies d'ailleurs une image qui est assez belle, qui est cette image de Dieu qui lui tient la main, et tout le monde tombe dans le trou sauf elle, en fait. Parce ouais, que Dieu voilà, lui tient la c'est main. Ça. Ça, c'est une très belle image, j'ai trouvé. D'accord. Ouais. Et du coup, toi, tu le mets en perspective avec le projet du salut, parce qu'il faut que c'est, le salut voilà, vienne de cette virginité. Il ne peut pas y avoir salut s'il y a une tâche sur le tableau, quoi. Exactement. Ouais. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple pour pas justement prendre des exemples de mon livre, mais un autre exemple. C'est-à-dire que sur une feuille de papier, il y a une tache d'encre. On va la mettre dans la photocopieuse. Cette tache, on va la voir. Elle va se répéter à chaque fois. Oui, c'est la notion de péché originel. Et voilà. La transmission du péché originel. Et ça, donc, ça vient de Saint Augustin. Ça, c'est pas directement ni dans la Bible, ni dans les évangiles. Hein, on est d'accord. Tout à fait. Mais c'est justement en comprenant en fait que pour arriver à ce qu'il y ait donc une nouvelle personne sans tâche qui arrive, eh ben dans le projet divin, la photocopieuse, il faut l'arrêter et mettre un nouveau papier. Vierge. Une page vierge, du coup. Tout à fait. Et oui. Et donc, elle était prévue, donc, dans le plan, elle était prévue de toute éternité. D'accord. Et justement, pour reprendre là où ça m'a fait penser, alors je ne sais plus si tu le dis clairement dans ton livre, mais justement cette idée qui m'a beaucoup plu et qui, bien sûr, me fait penser à certains enseignements gnostiques, on remet le couvert, sur l'idée de la Vierge qui est tenue par la main par Dieu et qui la conduit de façon à ce qu'elle ne tombe pas dans le trou. Et dans le Magnificat, elle parle, la Vierge, donc le Magnificat, c'est dans l'évangile de Luc, hein, c'est ça ? Oui. Elle dit « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Sauveur. Alors, de quoi elle a été sauvée, du coup ? Donc, ce serait une indication qui nous dit que finalement, c'est ça l'Immaculée Conception. Elle a été sauvée du péché dès l'origine, c'est ça en fait ? Dès l'origine. D'accord. Mais si elle n'avait absolument pas conscience. Hein. D'accord. Donc, quand elle dit « Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur », c'est ça que ça veut dire. Mais c'est-à-dire qu'elle n'avait pas conscience qu'elle-même était déjà sauvée. Mais Dieu, il est, comme tout juif pratiquant de l'époque, Dieu est le sauveur de l'humanité. Et donc, de lui permettre de porter, en fait, donc, le Fils de Dieu, elle se sentait sauvée. D'accord. Et alors, oui. Elle ne pouvait pas, mais quel miracle que c'était, elle ne pouvait pas se sentir digne de pouvoir le porter si elle n'était pas sauvée depuis l'origine. Donc on retrouve quand même, moi ça me fait penser beaucoup à ce que je trouve très très beau dans le catholicisme ou l'orthodoxie, c'est cette idée que presque tout est déjà là, en fait, tout est déjà là. Et tout est déjà sauvé par le sacrifice de Jésus et puis là la virginité et aussi donc par la virginité de Marie. C'est déjà une indication qui dit que c'est bon, quoi. Voilà, quand on parle de virginité de Marie, on parle de femme sans péché. Voilà, ouais, c'est ça. Ce qui d'ailleurs peut prêter à confusion. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'Immaculée Conception, c'est la virginité de Marie. En fait, l'Immaculée Conception, c'est qu'elle est sans péché. Mais c'est deux choses différentes, c'est ça ? Voilà. Ouais. Ok. Mais moi, ça me fait penser, alors, aussi, mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, à un texte gnostique qui n'est pas dans le canon orthodoxe ni catholique, qui est la Pistis Sophia, où on a la sagesse. Alors, il y a aussi peut-être un lien entre la sagesse de Dieu et le Christ, ça, c'est Paul qui l'affirme, mais peut-être avec la Vierge Marie aussi, la sagesse de Dieu, un lien entre la sagesse de Dieu et la Vierge Marie. Et là, il y a cette idée qu'en fait, la sagesse qui est personnifiée dans ce texte, qui est un texte qui est en quelque sorte presque mythologique, où il y a la sagesse de Dieu qui chute, en fait, dans les ténèbres. Et là, il y a ce qu'on appelle les archontes, qui sont en fait une sorte de fils illégitime, on pourrait dire, qui la retiennent. Et c'est le Christ qui lui tend la main et qui la remonte jusqu'à sa demeure originelle qu'on appelle le Pléroume, qui est en gros le paradis, quoi. Le monde de l'esprit pur, c'est là d'où elle vient. Et en fait, il y a le Christ, le Sauveur, sous son aspect du Sauveur, qui la tire de ces lieux qui sont peu recommandables. En fait. Donc, il y a peut-être aussi... L'imaginaire et l'imagerie font... Oui, tout à fait, c'est tout à fait ça. L'imaginaire, voilà, quand tu parles justement de Dieu qui l'empêche de tomber dans le trou, alors là, elle est tombée, hein, dans cette histoire, elle est tombée, mais Dieu la relève, en fait. Il l'aide, en fait, à sortir de ça. Mais il y a aussi, cette idée de... En fait, que là, ça préfigure presque l'âme de chacun qui est tombée, qui a chuté. Et du coup, c'est le Christ qui va tendre la main à cette âme qui va la faire remonter. Donc, en quelque sorte, là, cette figure féminine qui est en quelque sorte presque le symbole de l'âme, si tu veux. Oui, et en même temps, en fait, le symbolisme de cette âme féminine qui va nous aider à nous redresser, c'est en fait cette maman qui nous est donnée par le Christ en mourant sur la croix, par l'intermédiaire de Jean. Hein, on se souvient des paroles quand il dit à Jean, voici ta mère, Jean au pied de la croix représentant l'humanité tout entière. et Marie représentant en fait sa mère qu'il nous donne à nous tous comme mère du ciel. Et on retrouve cette même logique du sauveur sauvé, sauvé sauveur, c'est-à-dire là la Vierge Marie qui est sauvée du péché de toute éternité devient l'instrument du sauveur. Exactement. Et ça c'est fort, c'est cette OK. Bon, bah, on s'entend en fait. Comme quoi on peut aussi lire certains écrits gnostiques, les mettre en perspective en fait avec des visions qui sont plus orthodoxes. Hein. C'est, ah ben. Des choses, c'est pas forcément incompatible et contradictoire. OK. Alors, justement, le projet de sauvetage, c'est un mot qui est pas très joli. Projet de rédemption, on peut dire, de l'humanité. Nous ne sommes que de sauvetage, mais c'est un sauvetage. Oui, c'est un sauvetage. Quand le bateau coule, il y a Dieu qui vient nous balancer les bouées. Mais justement, d'ailleurs, tu en parles de ce bateau hein, avec l'Arche de Noé. Tu dis que l'Arche de Noé est aussi une préfiguration. Oui, tout à fait. Mais là, justement, l'arche, alors là, ce n'est pas l'arche de Noé dont on va parler, non. Mais l'arche de la nouvelle alliance. Ça, c'est aussi un terme qui revient comme épithète de Marie, l'arche de la nouvelle alliance. Marie, arche d'alliance. Voilà, l'arche d'alliance. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette préfiguration dans l'arche d'alliance de la Vierge Marie ? Eh bien, donc, tout le monde connaît, de part aussi. Aussi bien la littérature que par les films, l'arche d'alliance. Oui, Indiana Jones. Voilà, exactement. c'est assez flippant, hein, d'ailleurs. Quand ils ouvrent l'arche d'alliance, là, ça crame tout le monde. Oui, exactement. Ouais. Mais alors, en fait, cette arche, quand on reprend un peu les textes donc, dans l'Exode et dans le Lévitique, c'est quoi en fait? Bon, d'accord, c'est une boîte en bois dorée avec des anges dessus, des séraphins, etc. Mais en fait, qu'est-ce qu'elle transportait cette arche? C'est-à-dire que cette boîte, en fait, c'est des tables de la loi, non? C'est ça? L'arche d'alliance, c'est une espèce de gros tabernacle, ouais. Hein, en bois, dans lequel en fait reposaient en fait les tables de la loi, c'est-à-dire voilà, c'est la parole de Dieu. Et brisé, du coup, cassé. Comment ? Cassé, du coup. Les tablettes, elles sont cassées. Les tablettes, oui, elles ont été peut-être, j'en sais rien, j'étais pas là à l'époque. Hein. non, mais je crois que dans la Bible, à un moment donné, il me semble que. Mais quand Moïse s'énerve contre les. Il avait créé un veau d'or et tout voilà, ça. Voilà, c'est ça. Les tablettes sont brisées à ce moment-là. Oui, mais on n'en sait rien. Peut-être qu'il les a refaçonnés ou que sais-je. Ou alors ouais, il y aurait deux. Oui, bon, ils ont remis après, dedans, ils ont mis de la colle, j'en sais rien. Oui, il y a tout un tas d'histoires. Là, on peut quoi. Oui, c'est pas l'essentiel. Vas-y. L'essentiel, c'est que en fait, cette boîte, cette arche, ce tabernacle transportait en fait les paroles, les 10 paroles de Dieu et en fait la loi même de Dieu était présente avec eux et partout il portait la parole de Dieu avec eux. Et pourquoi l'arche d'alliance préfigurait, et donc c'est un archétype de Marie, c'est tout simplement parce que Marie en tant que femme va porter la parole, le verbe, le logos en elle, et permettre au logos de pouvoir être présent en tant qu'homme, en prenant chair, donc, et de pouvoir délivrer la parole de Dieu, d'accord, la parole du Père. Il y a aussi une notion de puissance hein, dans l'arche d'alliance, d'objets sacrés, d'entre tous les objets sacrés. Partout où l'arche d'alliance était, les Israélites gagnaient et guerres contre les Amalécites, etc. C'est ça, un objet de puissance. C'est la puissance de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Et on retrouve la puissance de la parole de Dieu à travers Jésus lorsqu'il dit à un malade, prends ton brancard, lève-toi et marche. Ou quand il guérit un aveugle, ou quand il... En fait, toutes les paroles que Jésus a prononcées, c'est avec la puissance de la parole du Père. Et c'est donc de Marie qu'est sortie cette parole, Cette puissance. cette puissance et cette parole. Et justement, tu sais que peut-être pour faire un petit parallèle encore, avec non pas avec les gnostiques, mais là avec la tradition hindoue, le culte féminin dans l'hindouisme, c'est le culte à la Shakti. Alors effectivement, c'est lié à la féminité, mais c'est aussi Shakti, ça veut dire puissance. La puissance, Puissance. oui. Donc du coup, c'est vrai qu'on a peut-être. Dans l'image qu'on se fait de Marie, un petit peu, voilà, qui est comme une sorte de femme un peu fragile et faible, etc. Alors peut-être qu'il y a ce côté-là, avec l'influence de Paul, où ma force est dans ma faiblesse, etc. Mais voilà, si la Vierge, si l'arche d'alliance, qui est un objet de puissance pour aussi terrasser l'ennemi, hein, au sens peut-être historique, mais peut-être au sens aussi plus mystique, spirituel. Eh bien, il y a aussi, on retrouve aussi Marie en puissance qui foule de son pied le serpent. C'est pas là, là c'est une Marie en puissance, quoi. C'est pas une Marie, je dirais, chétive, victime, passive, etc. Là, il y a quelque chose de puissant aussi. Oui. Quelle force qu'il y a dû y avoir dans cette femme quand il a fallu qu'elle suive pendant le chemin de croix et qu'elle suive l'agonie et la mort de son fils sur la croix, elle qui était là au pied, quelle force intérieure qu'elle a dû avoir parce qu'elle savait ce qui se passait. Et ça, c'est phénoménal. C'est la puissance même de Dieu qui agissait en elle. Alors oui, il y avait le côté humain en elle qui agissait en tant que mère. C'était le fruit de ses entrailles qui était là cloué comme une chouette sur une porte de grange. Mais en fait, elle était en train d'enfanter la nouvelle humanité. Et là, il en fallait du courage. Oui, ok. On a aussi, alors, une fois que tu en parles, je viens sur Saint-Nectaire d'Égide, parce qu'il y a pas mal d'épithètes dans son hymne à la Vierge qu'on appelle l'Acathiste. L'Acathiste, oui, quel Voilà, magnifique Saint-Nectaire texte, d'Égide que tu mis apprécies en aussi musique beaucoup. d'ailleurs par un dominicain, là. Hein. Une Pardon? magnifique Ah, je musique. t'entends un peu, on t'entend moins bien. Je disais magnifique musique qui a été faite dessus par André Gouze, un dominicain. Oui, il me semble bien que je connais L'hymne cette. Acathis qui a été écrite par le père André Gouze. Donc, ouais, c'est magnifique. Il me semble, c'est pas ça qu'ils avaient passé à un moment donné à Notre-Dame de Paris pendant les Noëls, justement. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est magnifique, très belle version, ouais. Très très belle version. Justement, on va pas partir sur cette notion d'épouse inépousée, etc., parce que ça va nous, ça nous Non. conduirait trop loin. Mais pour revenir un peu à Arche d'Alliance, il y a aussi l'expression, pour moi, elle me semble liée, toutes ces deux expressions, trône du roi. Est-ce que ça fait sens pour toi, le lien entre Arche d'Alliance, trône du roi? Et avec l'idée peut-être que bah, trône du roi aussi, simplement dans les représentations. Ben On oui, voit puisque Marie avec Marie et Jésus sur Jésus sur ses sur ses genoux, genoux. Et oui. tout à fait, Mais du coup, voilà. là, la préfiguration, est-ce qu'il n'y aurait pas cette préfiguration avec le trône, hein, avec le trône de Dieu? Ses genoux sont le trône du Fils. Oui, tout à fait. Et elle préfigure en fait non pas le trône de Dieu, puisque Dieu est déjà sur son trône, si on peut parler comme ça en prenant Oui, des non, mais images. disons une analogie entre Marie et Jésus sur ses genoux et Dieu sur son trône, en quelque sorte. Exactement, tout Une à fait. analogie. Alors, je sais pas, moi je connais pas très très très bien l'Ancien Testament, Non, non, mais j'avoue. c'est tout à fait Mais ça. est-ce qu'il y a des descriptions du trône de Dieu? Parce que je sais que par exemple, dans l'islam, la notion du trône de Dieu, le trône du trône d'Allah, a donné lieu à Alors, énormément d'exégèses. Est-ce que c'est le cas pour l'Ancien Testament chez les Juifs ou chez les chrétiens? Oui, Oui. alors il y a des passages en fait qui sont plus au niveau de l'Apocalypse de Saint Jean, où on parle évidemment du trône de Dieu et mais il y a quand même cette préfiguration où on le retrouve en fait dans les différents dans les différentes visions que certains prophètes tels que Jérémie ou Samuel ont pu avoir dans les différents dialogues qu'ils ont pu avoir avec l'Éternel. D'accord. Et Vision de Dieu sur son trône, donc. ouais, tout à fait. D'accord. Et voire même, en fait, lorsqu'il y a eu la fameuse bataille de Jacob avec l'ange, Oui. sur le lieu où en fait il y avait les anges qui montaient et qui descendaient du trône de Dieu, Oui, la fameuse échelle de Jacob, ouais. l'échelle de Jacob, et donc on retrouve cette notion en fait du trône de Dieu, puisqu'en fait il y avait les anges qui montaient et qui descendaient, et Jacob qui s'est battu avec un des anges, donc voilà. Et aussi, du coup, ce parallèle possible entre l'échelle de Jacob et la Vierge Marie. Plus ou moins. Je n'irai pas jusque-là, mais plus ou moins. Ok. En tout cas, moi, je ne l'ai pas pris en modèle et en exemple, ce passage, mais en tout cas, Oui, bah, de toute façon, il y a voilà. tellement d'épithètes, on pourrait faire des tomes entiers sur la question, je pense. Mais voilà, moi, je me suis. Parce que J'ai regardé un petit peu Saint Nectaire d'Égine, l'hymne ad Catis, l'Agni Parthénée. Il y a des termes qui sont assez étonnants. Hein. L'arbre de vie et source d'immortalité. C'est-à-dire que là, Alors, arbre de vie, pourquoi, à ton avis? Arbre de vie, L'arbre pour de, moi, moi, je pensais à l'arbre de Jessé, peut-être par la généalogie, par la mais généalogie, oui, voilà, c'est ça. paraît un peu Mais léger. le souci, c'est que par la généalogie, c'est plus Ouais. par son père adoptif Joseph que par Marie. Ouais. Et C'est l'arbre par de vie alliance. aussi, l'arbre de vie du paradis. L'arbre de Mais vie, l'arbre de vie, voilà, en fait. y a deux arbres. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui a été croqué par, Par Ève. voilà, et l'arbre de vie Et aussi, dans le le jardin. nouvel et Marie en fait va autoriser son fils à monter sur le nouvel arbre de vie qui est en fait la croix, la nouvelle planche du salut, si on peut parler comme ça. D'accord. C'est à ce niveau-là qu'il faut faire le parallèle. D'accord. Ok. L'arbre de vie, la croix. Parce que L'arbre de vie, c'est la croix. c'est là et c'est l'immortalité, parce que c'est par la croix après qu'il y a la résurrection. Exactement, tout à Eh fait. oui. D'accord. Très bien. Et alors, sans me défiler et vouloir bifurquer, mais je mets une parenthèse parce que je veux revenir quand même sur le fait que, quand on parlait tout à l'heure de trône, etc., j'avais pas fini de. Je Pardon. voulais quand même prendre un exemple, un autre exemple, Bien c'est que sûr. même dans la Bible indique que Marie, elle est donc reine, mère. Bien sûr, et Et. ça, c'est un thème qui c'est dans les églises, gothiques notamment, du couronnement de la Vierge, même à Notre-Dame, Exactement. hein, à Notre-Dame, sur l'une des portes, c'est la porte, Ouais. je crois, du couronnement, Et c'est la rappelé souvent. monarchie davidique, puisqu'on parlait de généalogie, donc la monarchie davidique, hein, donc le royaume de Dieu, donc sur terre, devait être le prototype, en fait, hein, c'est ça que je voulais dire justement, devait être donc le prototype du royaume du ciel, le royaume de Dieu, qui serait établi par Jésus. Et c'est pourquoi Jésus est appelé le Fils de David dans les évangiles, fils de David par rapport à la généalogie Oui. davidique. Et c'est pour ça que Pierre, Saint-Pierre, donc lui-même dit dans Actes 2, 30 que Jésus est assis sur le trône de David, son père. Voilà. Mais Marie, reine du ciel, ça c'est bon, c'est aussi dans l'hymne ad Catis, ça explique aussi pourquoi elle est au-delà, incroyablement plus glorieuse que les chérubins et les séraphins aussi, elle est au-dessus des anges. parce que dans la cour du ciel, c'est la cour du ciel, mais elle, c'est la reine du ciel. Et c'est la reine du ciel, reine des anges. On dit aussi reine des anges aussi. Effectivement, reine des anges, c'est l'un des épithètes exact. D'accord. Alors après, il y a aussi des représentations de Marie qui tient l'Église. Alors, il y a... Et encore chez Saint-Nectaire d'Égine, on a l'épithète temple sanctifié. C'est-à-dire que Marie est le temple. Marie est le temple par excellence. Alors pourquoi ? Est-ce que c'est lié au fait parce que à une notion de structure avec l'autel au centre du temple avec l'hostie qui est le Saint des Saints en fait. Mais alors, là, il y a une notion de contenant aussi, peut-être le ventre de Marie, le contenant avec. Voilà. Oui. Oui, tout à fait. C'est, alors après, c'est pas au niveau de toutes les représentations, etc. C'est évidemment, on va toujours imaginer par rapport aux structures, etc. Mais quand on dit que Marie, donc est le temple, c'est parce que elle a porté en elle donc le logos. Marie est celle qui conduit donc à son fils, hein, et donc en fait elle est celle qui va servir d'intermédiaire entre le ciel et la terre. Donc le temple comme lieu aussi d'intermédiaire. Et comme lieu d'intermédiaire, voilà. Oui, parce que le principe d'un temple, c'est un endroit pour justement rendre un culte à Dieu et puis s'élever vers lui. Et de s'y recueillir. Et donc en fait, quand on voue un culte à quelqu'un, en fait, on se recueille pour pouvoir, voilà. Alors, Marie n'étant pas une déesse, mais une femme comme toutes les autres, en fait, je vais prendre un exemple tout simple, c'est que l'exemple, c'est les noces de Cana. Mmh. Les mariés viennent voir Marie en disant on n'a plus beaucoup de vin, comment on va faire, etc. etc. Et puis Marie va voir Jésus, et puis Jésus lui dit oh non, mais c'est pas encore mon heure. Hein. Mmh. Et en fait, Marie va dire aux ouvriers, enfin aux servants, faites tout ce qu'il vous dira. Et puis, ben, il est coincé en fait. Et donc, c'est là qu'elle sert d'intermédiaire. C'est que Jésus étant coincé, il ne peut rien refuser à sa mère, comme tout enfant d'ailleurs ne peut rien refuser à sa mère, même si des fois il est désobéissant. Quand sa mère lui dit quelque chose, on lui obéit quand même, parce que c'est la mère. Mmh. Et bien, enfin, je dirais à une certaine époque, parce que peut-être qu'aujourd'hui, ça a peut-être changé. Mais... dans le sens où finalement Marie va anticiper en fait la mission de son fils, et donc en fait elle va lui porter cette intention et faites tout ce qu'il vous dira. Donc Jésus va agir et donc il va obéir à sa mère qui lui porte en fait cette prière des nouveaux mariés, que la fête pouvait tourner court. Eh bien, Marie, elle est ça, en fait. Elle est cet intermédiaire de prière, cet intermédiaire entre l'humanité et Jésus. Elle connaît ce que c'est que l'humanité, puisqu'elle est femme, et elle a vécu tout ce que tout homme et toute femme peut vivre. Avec l'idée presque que la prière à Marie peut infléchir la volonté de Dieu. Et la prière à Marie. Dit comme ça, ça peut faire voilà. Rougir certains, mais exactement. Il y a cette idée quand même. Hein. Ouais. Oui, oui, mais c'est ça. C'est très ça. Catholique comme idée. Je pense que c'est quelque chose. C'est pas spécialement, non, c'est pas spécialement catholique. Parce que non, mais je veux dire, même par rapport à. Oui, mais par rapport peut-être à l'islam ou. Peut-être qu'il y a juste Mohamed qui pourrait éventuellement Voilà, intercéder oui. vraiment et faire échanger un décret. Les saints Mais en là, général, je ne sais pas, mais là, effectivement, chez la Vierge Marie, voilà. c'est. Hein. Voilà, c'est dans cette influence, en fait, un petit peu de spirale, en fait, qui fait que finalement, Jésus, ben, il craque et puis il va agir. Et donc, la notion de prière à Marie fait que si on dans une demande qu'on fait à la Vierge, eh bien, peut-être que le Fils va se laisser influencer et agir. Mais justement, la prière à Marie, puisqu'on en parle, pour terminer, le rosaire, le fameux rosaire, on en parle plus qu'on le pratique d'ailleurs. Oui. Mais est-ce que déjà toi, tu l'as pratiqué ou tu le pratiques? C'est pas un Alors, secret. je l'ai, oui, je l'ai pratiqué. D'accord. En quoi ça consiste déjà, peut-être, parce que parmi les Voilà. auditeurs, tout le monde ne va pas savoir exactement en quoi ça consiste le rosaire. Qu'est-ce que c'est? Alors, le rosaire, en fait, c'est la méditation, en fait, des mystères de la vie du Christ. D'accord. Alors, je vais dire, c'est un petit peu comme, en fait, comme dans les prières, peut-être. Alors, je ne sais pas trop au niveau de l'hindouisme, mais plus au niveau, donc, en fait, du bouddhisme. C'est-à-dire qu'en fait, on va méditer sur un moment de la vie du Christ, sur peut-être, il y a ce qu'on appelle les mystères joyeux, les mystères douloureux, les mystères glorieux. Et en fait, on va rentrer dedans et on va pas les prier, puisqu'on ne prie pas des mystères, mais on va essayer de s'en imprégner et en fait de porter ces mystères en nous. D'accord. Mais par aussi l'intermédiaire de la répétition de la prière aussi. Il y a Alors, une idée de voilà. répétition dans le rosaire avec C'est une chaque répétition. grain du chapelet qui va être Exactement. égrené avec Comme une prière. d'ailleurs, Et la comme. prière qu'on répète, c'est « Je vous salue Marie », c'est bien ça. Oui, Il tout n'y a à pas que fait. celle-ci aussi, il y a aussi le Le Credo et Notre le Notre Père, Père. voilà. Mais. Mais entrecoupé de méditation sur les mystères de la vie de Christ, de Jésus-Christ. Exactement. D'accord. Alors, l'Annonciation, la Visitation, la naissance, le recouvrement au temple, etc. Ah, on fait une méditation et un « Je vous salue Marie », comment ça se passe Non, en concrètement? fait, c'est donc un mystère Oui. et la dizaine. Une dizaine, donc 10 « Je vous salue Marie » entre chaque mystère, c'est ça? Voilà, Ok, exactement. Mais d'accord. alors, je faisais ce parallèle avec donc j'allais dire nos frères bouddhistes, qui eux, avec le mala, Oui, ah, bah, les hindous aussi, oui. et 108. voilà. Il y a Et, 108 grains et chaque grain est l'occasion d'une répétition, ce qu'on appelle le japa. Faire du voilà, japa, exactement. c'est égrener en fait le chapelet en Le répétant chapelet le mot sacré qui nous est confié par le avec maître qui nous enseigne un mot sacré ou les plusieurs mots à bouddhistes. répéter. Voilà, c'est ça. Les bouddhistes, ils ont aussi la même chose avec un mala, et puis ils récitent aussi une parole sacrée, etc. Ouais, Et ils ça, rentrent. c'est commun, je pense, à toutes les grandes religions. Cette technique, cette manière d'approcher la prière par la répétition et le chapelet. Ouais. Et je dirais que ça nous fait rentrer dans notre intérieur pour méditer. D'accord. Donc, il y a un aspect de Alors, cette méditation. répétition, à un moment donné, même, on ne sait même plus ce qu'on dit, en fait. Et je dirais même que c'est bien dommage, parce que le Je vous salue Marie est une très belle prière, mais en fait, de dire. Il y a oui, mais il y a presque il y a un état intérieur qui va se Mais il y a un manifester à un état moment donné. C'est intérieur qui ça. fait que on s'élève, on contemple le mystère, D'accord. on Donc, d'où contemple le la nature. lien entre la prière et le mystère. C'est-à-dire que Ouais, OK. exactement. Et c'est ça que toi, tu as vécu dans cette pratique. Oui, tout à fait. D'accord. On contemple le mystère Ouais. et on rentre dans cette intégrité même du mystère, aussi bien dans les mystères joyeux que les douloureux que les glorieux. On rencontre Dieu, on rencontre Marie, on rencontre Jésus dans ces mystères. D'accord. Donc okay. C'est presque comme un véhicule en fait qui nous fait faire un voyage avec la destination qui est la rédemption, presque, non? Aussi. Là, le voyage, non, c'est pas spécialement la rédemption, mais c'est d'avoir une meilleure connaissance ouais. de la famille divine. D'accord. Je dirais plutôt ça comme ça. C'est, le chapelet ne va pas nous emmener à notre propre rédemption. Le chapelet va nous amener à mieux connaître d'accord. les mystères de cette famille, de ce, les mystères de notre propre rédemption, en fait. C'est pas la, c'est pas, c'est ouais, pas parce que peut-être, alors, les, je ne sais pas, pour ceux qui nous écoutent, peut-être qu'il y a certains qui peuvent penser que c'est une forme d'auto-hypnose ou quelque chose comme ça, quoi. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir un peu cette idée de que si je me lance dans une telle pratique, en gros, on va me prendre pour un fou. Ou même... non, toi, non, non, je dirais pas jusqu'à dire ça. C'est pas une auto-hypnose, mais... c'est pas une hypnose hein, pour toi, on est bien d'accord. Non. Alors, non, c'est non, pas non. Moi qui, c'est pas moi qui vais dire ça, hein, parce que la répétition. Pas, non, c'est rentré dans notre intériorité. C'est rentré ça. Dans notre intérieur. D'où la notion de méditation. Hein. Voilà, c'est, on médite. C'est ça. Eh ben, écoute, c'est bien parce que du coup, on est sur des herméneutiques un petit peu abstraites. On arrive sur quelque chose d'assez concret dans la pratique finalement. Ben oui. Eh oui. Très bien. Eh bien, écoute, je ne sais pas, peut-être tu as des choses à rajouter. Sinon, comme voilà, la coutume de l'archipel gnostique, c'est de demander à notre invité qu'il choisisse une prière ou une musique. Mais je ne sais pas si avant ça, tu as des choses à rajouter, des choses sur lesquelles revenir. Mais, des choses à rajouter, il y aurait tellement à dire. Oui. Le mieux, c'est que chacun, quand il sera sorti, se fasse une idée, effectivement. Se procure l'ouvrage. Et voilà. Puis, qui va s'appeler donc Les fondements bibliques de la prière à Marie, hein, c'est ça. Les fondements bibliques, voilà, le fondement biblique d'accord. de la prière à Marie. Et donc, c'est-à-dire pour, que Marie est notre intermédiaire entre donc, le ciel et la terre, et on peut donc en fait la prier, non pas comme une déesse. Alors ça, c'est vrai que tu insistes beaucoup là-dessus. Hein. Ça, c'est un peu oui. la hantise de l'Église conciliaire ouais. de diviniser la Vierge. Et elle, on ne peut ouais. pas la diviniser. C'est vraiment une femme comme toutes les autres. Comme... Alors, vu tout ce que tu as dit, ce n'est pas une femme comme toutes les autres. Hein. Quand même, hein. Mais si, elle est aussi bien femme que notre déesse. Sauf que, dans le plan de Dieu, elle a été préservée du péché et elle a mis au monde voilà. C'est pareil. Donc, Jean-Christophe Thierry, hein, pour ton nom complet, Thierry, comme ça oui. on pourra te retrouver. Thierry, c'est ça. Et, donc, Père Jean-Christophe Thierry. Alors, qu'est-ce que tu nous as choisi comme texte ou prière Eh bien, un texte pour moi qui va résumer aussi un petit peu tout ce qu'on vient de dire. Un texte qui a été écrit dans les années 60. Donc il y a une cinquantaine d'années et donc un prêtre ouvrier qui a écrit ce texte. Je dirai son nom à la fin. D'accord. Alors tu veux nous le réciter, enfin pas nous réciter par cœur, mais nous le lire. Je vais vous le lire, oui. Allez. Ce sera une donc, méditation. Nous avons quelqu'un de notre race, un frère qui est Dieu. Nous avons une femme chez nous, une sœur qui est mère de Dieu. Et l'un et l'autre nous aiment et nous attendent dans la joie éternelle. Ma plus belle invention, dit Dieu, c'est ma mère. Il me manquait une maman et je l'ai faite. J'ai fait ma mère avant qu'elle me fasse, c'était plus sûr. Maintenant, je suis vraiment un homme comme tous les hommes. Je n'ai plus rien à envier car j'ai une maman, une vraie. Cela me manquait. Ma mère, elle s'appelle Marie, dit Dieu. Son âme est absolument pure et pleine de grâce. Son corps est vierge et habité d'une telle lumière que sur la terre, je ne me suis jamais lassé de la regarder. De la regarder et de l'admirer. Elle est belle. Elle est belle, ma mère. Tellement que, laissant les splendeurs du ciel, je ne me suis pas trouvé dépaysé près d'elle. Pourtant, je sais ce que je dis, que d'être porté par les anges, ça ne vaut pas les bras d'une maman, croyez-moi. Ma mère, Marie, est morte, dit Dieu. Depuis que j'étais remonté au ciel, elle me manquait. Je lui manquais. Elle m'a rejoint avec son âme et son corps directement. Je ne pouvais pas faire autrement. Cela se devait. C'était plus convenable. Les doigts qui ont touché Dieu ne pouvaient pas s'immobiliser. Les yeux qui ont contemplé Dieu ne pouvaient pas rester clos. Les lèvres qui ont embrassé Dieu ne pouvaient se figer. Ce corps très pur qui avait donné un corps à Dieu ne pouvait pourrir, mêlé à la terre. Je n'ai pas pu. Ce n'était pas possible. Ça m'aurait été trop coûté. J'ai beau être Dieu, je suis son fils et c'est moi qui commande. Et puis, dit Dieu, c'est encore pour mes frères, les hommes, que j'ai fait cela, pour qu'ils aient une maman au ciel, une vraie, une de chez eux, corps et âme, la mienne. Voilà. Et ce texte a été écrit par un prêtre ouvrier, donc qui s'appelait le père Michel Coast. C'est très beau. Voilà. Merci, père Jean-Christophe. Ben, merci, cher Morgane. Ben, merci beaucoup. Eh bien, on va s'arrêter là. Et puis, en espérant tout plein de bonnes choses pour toi dans ton cheminement. Et puis, peut-être à bientôt pour une autre émission. À très bientôt pour peut-être d'autres présentations. Voilà. Allez. OK. Respexit humilitate mansile sue. Ex enim ex hoc beata medicent omnes generationes. Spiritui Sancto.